Le maréchal Kim Jong-un a envoyé des présents à tous les vétérans de guerre à l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie.